sommes les modèles. Un régiment, ne nous fait pas peur. Ah, bravo! Calmez cette frayeur. Je vous présente une recrue, le chansonnier qui dans la rue fronde les abus du pouvoir. De lui faut-il que je réponde? Mais il n'a pas de collet noir, il n'a pas de perruque blonde. Mais il n'a pas de collet noir, il n'a pas de perruque blonde. Quand on conspire qu'on s'en veille, qu'on se dit qu'on se batte pour tout le monde, il faut avoir perruque blonde et collet noir. Quand on conspire qu'on s'en veille, on ne se dit dangereux qui sont ici. Du directeur Barras, en moi, voyez la mire, et nos conjurés, les voici. Un bal de noces aujourd'hui nous rallie, vous le troublez, illustres inconnus, mais les soldats d'Égypte et d'Italie doivent partout être les bienvenus. Ô citoyennes parisiennes, vous ne pouvez inspirer nul effroi, choisissez vite, on vous invite, et vous, monsieur l'officier, avec moi, tournez, tournez. Mais je ne crois.